Chapitre 4. Le Third Horizon, croiseur de classe émissaire. 90 minutes avant l'impact. Un vaisseau apparut dans le système Hetzal, surgissant de l'hyperespace et ralentissant rapidement pour reprendre une vitesse conventionnelle. Il se trouvait déjà près du Soleil, et les pluies gravitationnelles à travers lesquelles il devait naviguer auraient réduit en pièces un appareil moindre, voire même celui-là, s'il n'avait eu sur sa passerelle, les meilleurs membres d'équipage de la République. C'était le Third Horizon, un appareil magnifique. Ses surfaces ondulaient comme les rouleaux d'une mer d'argent, le long de sa structure fuselée, bordée de tours et de créneaux sur toute sa longueur, comme une forteresse couchée, tout en ailes, en flèches et en spirales. Tout en lui parlait d'ambition. Tout en lui parlait d'optimisme. Il clamait haut et fort qu'on l'avait rendu esthétique parce que c'était possible, sans guère se soucier du prix ou des efforts requis. Le Third Horizon était une œuvre d'art, un symbole de la grande république des mondes qu'il représentait. Des appareils plus petits se détachèrent de leurs amarres sur sa coque comme autant de pétales sous la brise, taches d'or et d'argent voltant dans l'espace. C'étaient les vaisseaux de l'Ordre Jedi, les Vector. De même que l'Ordre et la République travaillaient main dans la main, le vaisseau et son contingent de Jedi œuvraient de concert. Des appareils plus importants émergèrent eux aussi des hangars du Third Horizon. Des Long Beams, les machines les plus fiables de la République. Ces appareils polyvalents pouvaient servir à des missions de combat, de sauvetage, de transport et s'acquitter de toutes les tâches nécessaires à leurs équipages. Les Vector existaient à la fois en mode monoplace et biplace, car tous les Jedi ne voyageaient pas seuls. Certains emmenaient leurs Padawan avec eux afin qu'ils apprennent les leçons que leur maître souhaitait leur enseigner. Les Long Beams ne nécessitaient au minimum que 3 membres d'équipage, mais ils pouvaient transporter confortablement jusqu'à 24 personnes. Soldats, diplomates, médecins, techniciens ou quiconque selon les besoins. Les vaisseaux les plus petits se déployèrent dans le système et accélérèrent aussitôt pour s'éloigner du Third Horizon, déterminé. Chacun avait sa destination, son objectif. Chacun avait des vies à sauver. Sur la passerelle du Third Horizon, une femme, humaine, se dressait seule. Le pont grouillait d'activité autour d'elle. Sous les arches et dans les alcôves, officiers, navigateurs et spécialistes commençaient à coordonner les efforts voués à préserver le système Hetzal de l'oblitération totale. Le nom de cette femme? Avar Kriss, membre depuis 3 décennies environ de l'Ordre Jedi. Elle était entrée enfant au Grand Temple de Coruscant, cette école qui tenait également lieu d'ambassades, de monastères et de monuments voués à rappeler à chacun que la Force reliait tous les êtres vivants. D'abord novice, elle était devenue Padawan au fil de ses études, puis chevalier Jedi et finalement maître. Cette opération était la sienne. Un amiral du nom de Kronara assurait le commandement du Third Horizon, qui faisait lui-même partie de la petite flotte de maintien de la paix de la coalition défensive de la République, mais il avait remis les rênes du sauvetage de Hetzal à la Jedi. La décision n'avait suscité ni conflit ni discussion. La République avait ses forces, et les Jedi les leurs, chacun les employant au bénéfice de l'autre pour lui apporter son soutien. Avar Kriss examina le système Hetzal dont une image était projetée sur l'écran plat argenté du pont par un droïde com flottant devant le mur et conçu à cet effet. Les images compilaient les informations reçues des sources internes au système et celles provenant des senseurs du Third Horizon. En vert, les mondes, vaisseaux, stations spatiales et satellites de Hetzal. Ses propres ressources, les Vector, les Long Beams et le Third Horizon lui-même, apparaissaient en bleu. Quant aux particules de mort imminente, de sources et de nature inconnue qui filaient dans l'espace à une vitesse étourdissante, elles figuraient en rouge. Tandis qu'elle observait l'écran, de nouvelles taches écarlates émergèrent. Le phénomène, quel qu'il fût, n'était pas encore terminé. La Jedi tendit la main vers son épaule, où sa cape blanche était retenue par une boucle dorée représentant le symbole de l'ordre, un lever de soleil flamboyant. Il s'agissait d'une tenue de cérémonie, tout à fait adaptée au conclave entre Jedi et émissaires de la République, auquel le Third Horizon venait tout juste d'assister sur la station spatiale dont on venait de terminer la construction et qui devait changer la galaxie tout entière, le flambeau stellaire. À présent, cela dit, compte tenu de la tâche qui l'attendait, ce costume d'apparat constituait une distraction. Avar effleura la boucle qui libéra la cape. Elle répandit au sol une flaque d'étoffe, révélant une simple tunique blanche rehaussée d'or. À sa ceinture, dans un étui blanc, un cylindre de métal, une pièce d'électrum d'un blanc argenté d'un seul tenant, ressemblait aux manches d'un outil dont on aurait ôté le reste. Sur toute sa longueur, une ligne incisée de grès marin vert clair s'enroulait en spirale jusqu'à la garde, servant autant d'ornement qu'à assurer la prise. Une arme qu'elle maîtrisait parfaitement, mais dont elle n'aurait pas besoin aujourd'hui. Ce n'étaient pas les sabres laser qui allaient sauver Ezzal. Ce seraient les Jedi eux-mêmes. Avar se laissa tomber au sol pour s'installer en tailleur. Ses cheveux mi-longs, couleur paille, s'écartèrent de son visage comme mus par leur propre volonté. Ils se nouèrent en entrelacs complexes, formant un mandala dont l'élaboration elle-même lui servait à se concentrer. Elle ferma les yeux. Le maître Jedi ralentit son souffle, puisant dans la force qui l'entourait et l'imprégnait. Elle s'éleva lentement, ne s'arrêtant qu'une fois en suspension à 1 mètre au-dessus du sol. Sur la passerelle, les membres d'équipage du Third Horizon tournèrent les yeux vers elle. Ils hochèrent la tête, eurent un mince sourire ou sentirent simplement l'espoir fleurir en eux avant de vaquer à leurs occupations urgentes. Avar Kriss ne s'en rendit pas compte. Il n'y avait plus que la force, ce qu'elle lui disait et ce qu'elle devait faire. Elle commença.